Alexia, Jessica, Olivia, Roxane et Patricia. Aussi, attention, votre vie privée peut être accessible sur Internet. Le piratage des consoles, un jeu d'enfant, entrevue B-Plug, Marilyn Manson, le fantôme de l'opéra. Aussi, on parle de power fucking et analyse de caméras HD. Summum, en kiosque maintenant. C'est mardi, c'est journée porte ouverte chez Lindé. Venez faire l'essai de nos nouveaux produits de soudage et de coupage et recevez gratuitement un certificat cadeau de 20$. Aussi, épargnez de 15 à 50% sur certains produits. Ça se passe ce mardi de 13 à 20h chez Lindé, 579 Godin à Vanier. Le 1er juin, à l'Agora, Radio X et Radio X2 présentent... Disturbed. Le retour de Radio X avec Stéphane Gass et Jérôme Landry. Il est 3h32, oui, revenons sur cet accident d'avion aujourd'hui, cet appareil d'Air France, Jérôme, dont oui, on mais est ça sans attendre ça, moi. J'ai pas aimé ça, attendre ça. J'aime jamais entendre parler d'accident d'avion, j'aime jamais entendre parler d'appareils qui ne se rendent pas à bon port, parce que ça te rappelle qu'à chaque fois que t'es à l'intérieur d'un avion, veux pas, ta vie est entre les mains du gars qui pilote, puis qu'il n'y a pas le contrôle sur tout. J'haïs ça quand je comprends pas. Tu sais, on a entendu l'histoire des oiseaux là qui s'est infiltré concernant ce qui s'était passé à New York dans le moteur pis tout ça. Mais là d'entendre que c'est peut-être la foudre, puis un problème avec le système électrique, ou en tout cas peut-être, c'est une théorie. J'aime pas beaucoup ça parce que puis ce que je comprends, c'est que le pilote aussi avant que ça arrive. Il a parlé de turbulence aux passagers. Tu sais, combien de fois qu'un pilote nous parle de turbulence? Puis là, on se dit, ça va bien aller, puis il n'y aura pas de trouble, tu sais. Exact. C'est très, très spécial. 228 personnes qui étaient à bord de cet avion d'Air France, dont on est sans nouvelles. Et je vous annonce qu'il ne vole plus, là. Même Air France a dû dire à un moment donné, c'est parce que à cette heure-ci, il n'y a plus de gaz dedans, c'est sûr. S'il volait encore, là, c'est terminé. Bref, on n'a aucun espoir, évidemment, de retrouver d'éventuels survivants de cet appareil. Pour discuter des possibilités. Moi aussi, j'ai un peu viré de ça quand j'ai entendu parler de la foudre qui avait peut-être frappé l'appareil et qui aurait causé cet accident. Il me semblait que les appareils et que les avions étaient prémunis contre ce genre de problème-là. En tout cas, je l'espérais. Nous autres, on connaît pas grand-chose là-dedans, mais notre invité nous avait assez épaté lorsqu'on a jasé avec lui. L'autre fois, justement, lorsque cet appareil avait littéralement améri sur la rivière à côté de Manhattan, Charles-Éric Lamarche et professeur en régulation de vol au Centre de formation en transport de Charlebourg. Salut Charles-Éric et bienvenue à Choix. Oui, salut Stéphane. Charles-Éric, d'abord, c'est une région que tu connais bien. Ça passe bien dans une conversation, mais t'as volé à quelques reprises entre le Brésil et l'Europe. Ben moi-même, j'ai pas volé directement cette route-là. Je l'ai planifié beaucoup. Ok, tu l'as planifié. Bon, c'est d'accord. Arrivé plusieurs fois quand je travaillais dans le domaine. Bon, avant d'être enseignant, j'étais régulateur de vol et on faisait des évacuations aéromédicales. Puis c'est arrivé plusieurs fois qu'on a planifié des vols directement du Brésil. On s'en allait vers l'Europe. Les gens qui connaissent un peu le type d'appareil, un Learjet 35, une autonomie seulement 4h30, traverser à cet endroit-là, c'est un peu tricky. Les conditions météo ont besoin d'être bonnes, on a besoin d'avoir des bons vents. T'as pas intérêt à te tromper de chemin non plus. Exactement. Là. Et de ce que j'ai vu des conditions météo, de ce que j'ai regardé, ça aurait pas nécessairement été un endroit où est-ce que j'aurais aimé envoyer un de mes appareils présentement. Pourquoi? Parce que c'est trop rough? Parce que c'est... Ben, présentement, ce que j'ai regardé, je suis allé faire un tour, évidemment. Mon premier réflexe a été d'aller regarder les cartes météo. Quand j'ai entendu parler de l'avion qui manquait, je suis allé voir les cartes météo. Puis effectivement, il y a une belle bande d'orage. qu'on rencontre là, directement à l'équateur. C'est, on est entre deux saisons là-bas. Eux, ils terminent l'été, ils s'en vont en hiver. Nous autres, on est en train d'arriver éventuellement à l'été là, mais c'est, on est en deux changements de saison. C'est un endroit à l'équateur parce que c'est extrêmement périlleux là pour les orages à ce moment-ci. Okay, c'est un endroit qui dès le départ est reconnu pour être problématique. Oui, absolument. Puis bon, ceux qui ont pris l'avion, vous le savez, à 35 000 pieds, comme le vol était planifié, il fait toujours beau. Normalement, il fait toujours beau, on est au-dessus des nuages, ouais. Le ciel bleu, à terre c'est blanc, puis on se dit c'est magnifique. Mais de ce que j'ai vu sur les rapports, il y avait pratiquement des nuages d'orage jusqu'à 48 000 pieds d'altitude. Okay. Donc, ça dépasse notre niveau de vol. Les orages sont au-dessus de nous. Fait que c'est vraiment inhabituel. Parce que, tu sais, des vols Rio-Paris, là, d'Air France, doit en avoir une méchante gang. Puis des vols entre le Brésil puis la France au-dessus de l'Atlantique. Tu sais, il y en a tous les jours, à toutes les heures, même. Il y en a énormément. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait eu quelque chose d'exceptionnel, là. Et là, faut faire attention. Parce que dans les médias, on parle beaucoup de foudroyant. Et il faut pas mélanger la foudre avec foudroyant. Foudroyant, c'est un phénomène qui arrive, qui est particulier. Peu importe qu'est-ce que c'est, ça peut être à peu près n'importe quoi au moment où on se parle. Mais la foudre, c'est pas la foudre qui va faire écraser un avion. Donc, okay, bon, c'est pas la foudre. C'est impossible. Il y a un paratonnerre. C'est un facteur. Un appareil, c'est un paratonnerre, dans le fond. Si vous regardez derrière les appareils, lorsque vous volez souvent... vous êtes sur les ailes, vous regardez l'appareil, derrière, il y a des espèces de petits balais qu'on appelle, excusez-moi, je cherche le terme français, là, des static wicks qu'on appelle. Ces petits balais-là vont servir à justement décharger le trop-plein d'électricité statique de l'avion, parce que plus il y a de la friction, plus l'appareil va créer de l'électricité statique. Et aussi, va être là pour servir de point de sortie si jamais il y a un éclair qui frappe notre appareil. Ça arrive... Je dirais pas régulièrement, mais ça arrive quand même assez souvent que des appareils se font frapper par la foudre. J'en ai vécu, lorsque je travaillais comme régulateur de vol, des avions qui ont été frappés par la foudre. Mais c'est pas ça qui va faire qu'un appareil va avoir des malfonctions au point d'aller s'écraser, s'abîmer dans l'océan. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé avec ça, ça c'est sûr. Comme quoi, mettons, t'as-tu une idée de ce qui a pu arriver? Ça peut être beaucoup de choses. Bon, on parlait tout à l'heure, le commandant a parlé de turbulences. Mm-hmm. Ça peut être ça, des turbulences qui sont extrêmement sévères. Un nuage d'orage, c'est ça, c'est de la turbulence, c'est de la convection, des courants ascendants, des courants descendants, de la grêle, c'est de l'extrême. Hein? C'est pas un nuage dans lequel on a envie de se retrouver. Par contre, l'appareil est équipé, premièrement, par le travail, justement, du régulateur de vol qui a bâti son plan de vol. Lui, le plus possible, essaie d'éviter ces zones-là. Le pilote à bord possède les radars météo pour éviter les zones les plus problématiques d'orage. Parfois, c'est un impondérable. Ils sont là, ils sont immenses. Alors, on a un choix à faire. On y va ou bien on rebrousse chemin. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est embêtant. Alors, est-ce que c'est de la turbulence qui a causé des dommages structurels qui fait que le pilote n'a pas réussi à lancer de message de détresse pratiquement, s'est abîmé dans l'océan? Est-ce que c'est tout simplement, justement, dû à la turbulence, une décompression majeure très rapide qui a fait qu'une partie du fuselage s'est envolée? L'avion a littéralement tombé. Attends, une turbulence peut faire ça? Écoute, peut faire qu'un avion se démembre? Et ça prend toute une turbulence. Ça va en prendre une capable, c'est parce que Airbus, premièrement, la plupart de tous les avions commerciaux, que ce soit Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, sont faits pour endurer des turbulences qui sont extrêmement sévères. Et croyez-moi, les tests qu'on fait pour voir à quel point l'avion est endurant, on plie pratiquement les ailes en deux au-dessus de la carlingue avant que ça casse. D'accord. Donc, ça prend quelque chose d'extrêmement majeur. Mais c'est quelque chose qui peut arriver ou bien tout simplement une turbulence qui nous amène une perte de contrôle majeure. Donc, le pilote n'a aucun contrôle sur l'avion et l'avion peut se mettre à tomber tout simplement. Quand la foudre frappe un avion, c'est évidemment une décharge électrique d'une puissance impressionnante. Ça doit pas faire du bien à l'appareil. C'est plein d'électronique là-dedans. C'est plein de... Tu sais, s'il y a une surcharge électrique dans nos maisons, par exemple, la TV va sauter, l'ordinateur marchera plus. Je peux pas croire qu'un appareil puisse s'en tirer sans... Souvent, avant que ta télévision saute, ce qui va arriver, là, les fuses vont sauter, les breakers vont sauter. Il y a des systèmes de protection sur les appareils. Et c'est pas un appareil, c'est pas un immense circuit électrique. C'est compartimenté de plein de petits circuits électriques qui sont isolables. Donc, dès qu'il y a un problème, quelque part, on peut l'isoler et régler un peu notre problème électrique. Et en plus, c'est qu'on a, surtout sur le Airbus 330, qui est un appareil qui est extraordinaire pour l'avoir volé déjà, c'est une superbe machine. En tant que passager, là, c'est génial comme appareil. Il y a 5 sources électriques sur ce type d'appareil-là. Vous avez les deux moteurs. Il y a un moteur d'appoint qu'on retrouve dans la queue qui est un EPU, un Auxiliary Power Unit. Et on va retrouver aussi la batterie, évidemment, qui nous offre une certaine autonomie, mais aussi un système qui s'appelle un Air Driven Generator. C'est une grosse éolienne, dans le fond, qui va sortir en dessous de l'aile de l'appareil, qui va nous permettre de générer de l'électricité. Alors, sur les appareils, il y a toujours de la redondance, il y a toujours un backup à quelque part. Donc, pour se retrouver sans aucune électricité... Ça prend un coup terrible. Ça prend quoi de majeur? Si on se retrouve sans aucune électricité, normalement, les moteurs vont continuer de fonctionner. Parce que un moteur à réaction, à la base, c'est un flot continu. Une fois qu'on le part, une fois le moteur à réaction, il s'éteindra pas. Tant qu'il y a du fuel, ça va rouler. Ça lui prend de l'air et du carburant, ça va fonctionner jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, jusqu'à temps qu'il manque un des deux éléments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Encore là, on ne le sait pas. C'est plein de mystères. Mais ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est sûr qu'il y a eu un facteur météo. Si on n'en sort pas... Il y a des fortes chances. Mais il me semble que ça arrive pas souvent qu'il y a des accidents de ce type-là qui sont causés par la météo. Si effectivement c'est le cas, c'est un événement très rare. Très rare, mais aussi faut se souvenir qu'un accident est jamais attribuable à un seul facteur. C'est toujours une série de facteurs qui amènent l'accident. Rappelez-vous, parlant d'Air France, Airbus 340 à Toronto. Météo, des orages violents, beaucoup d'eau sur la piste, un atterrissage trop long. Alors, vous voyez, 3 facteurs qui ont amené l'appareil à s'abîmer en bout de piste. Heureusement, tout le monde en est sorti dans les délais légaux qu'on impose là pour l'évacuation des passagers. L'avion, perte totale, complètement brûlé, mais tout le monde s'en est sorti. Mais c'est toujours une série de facteurs qui fait qu'un accident va se produire. Là, on a plusieurs indices qui laissent planer plein de possibilités. On a eu, par le système ACARS de l'appareil, qui est un espèce de, pour vulgariser un peu, là, une espèce de système MSN qu'il y a dans l'appareil. On est capable d'envoyer des messages. Le pilote est capable directement du cockpit d'envoyer des messages à la base d'opération, au contrôleur aérien. Mais il y a aussi des messages automatisés qui vont partir de ce système-là. S'il y a des problèmes moteurs, souvent, il va y avoir un message automatisé qui va partir de cet ordinateur-là et qui va l'envoyer soit par satellite ou bien par les radiofréquences et il va l'envoyer aux opérations. Exact. Là, par rapport au système électrique. On pense que c'est un, jusqu'à là de l'information qu'on a, c'est un système automatisé qui l'a envoyé. Donc, c'est pas directement le pilote. Est-ce que le pilote est encore en contrôle de l'avion? Est-ce que, présentement, là, c'est un peu le néant total. Il y a beaucoup d'informations et en même temps, très peu d'informations. Là. Un amérissage en plein Atlantique, comme on a vu à New York sur le Hudson, ça, c'est carrément impossible. Tu me confirmes ça, là? Non, absolument. Parce que, premièrement, le pilote aurait été capable de communiquer sa situation. Donc, il aurait été capable, avec justement ses 5 backups électriques, il aurait été capable d'envoyer un signal radio, il aurait été capable de communiquer, sinon via justement son système ACARS, il aurait été capable d'envoyer un signal à quelque part. Et là, on se concentre, on parlait que le dernier contact qu'on avait eu avec cet avion-là, le contact radar, est à 365 km des côtes du Brésil. Faut faire attention, au-dessus de l'Atlantique, il n'y a plus de couverture radar. Alors, à quel moment est-ce qu'on a perdu cet avion-là en tant que tel? C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à le trouver? C'est de l'inconnu, exact. OK, il y a comme un bout, là, OK, après X nombre de kilomètres de la côte, puis avant que tu arrives à X nombre de kilomètres de l'autre. Exactement. You're on your own, baby. Exactement. Arrange tu vas être en contact, tu vas toujours être en contact radio. Avec le contrôleur, facile de lui parler. Et c'est extrêmement bien planifié, hein. Vraiment, c'est très bien fait. Il y a des centaines d'avions qui le font à tous les soirs au-dessus de l'Atlantique. Ouais, bien sûr. Quand vous allez vers Paris, justement, Montréal-Paris, Québec-Paris, là, ben vous avez à peu près la moitié de votre vol où est-ce que vous avez aucun contact radar avec le contrôleur aérien. Ah oui. Donc, oui. C'est tout simplement de l'estimation de position et des rapports de position que les pilotes doivent donner. C'est ce qui s'est passé. Là, on l'a perdu au radar en dehors du contact radar, mais après ça, il s'est pas rapporté. Parce qu'on voit des films, un petit piton qui flash là, tout le temps sur un écran, là, c'est la bullshit. Ouais, exactement. On le voit pas. Okay. Souvent, les gars vont encore être en train de dessiner un peu la position des appareils. OK. Donc, c'est le bon vieux système d'évaluation. Voici sa vitesse, voici les conditions. Donc, il serait rendu à peu près là. Exact. En d'autres mots, la durée d'un voyage, toujours une approximation. La durée d'un voyage, oui, c'est une approximation, mais c'est une approximation qui va être assez précise. Franchement, je vous dirais que... La quantité qui se fait, de toute façon, quotidiennement, je sais pas moi, Montréal-Paris, on finit par savoir à peu près, là, t'sais, à la minute près, combien de temps ça prend. Mais ça va changer à tous les jours. Ça, ces facteurs-là vont changer à tous les jours, selon les vents en altitude, selon la température en altitude. Ça, c'est des données qui changent. Ça peut être aujourd'hui et demain, ça peut être une différence de 20 minutes, une demi-heure. Il me semble, j'arrive tout le temps plus de bonne heure. Ils me disent tout le temps, tu vas arriver à telle heure. Puis là, après ça, t'attends pour d'autres raisons. Mais il me semble que souvent, c'est plus de bonheur que t'ailles. Ben, t'es chanceux, c'est ça. Ils disent, ça prend 6 heures, mais remarque, je vole pas 58 000 fois par année non plus. Là. Non, mais... pas de... aussi, évidemment, il se prévoit un gap. Mm-hmm. Lorsqu'on émet un billet et on voit le temps, c'est un temps approximatif, c'est une approximation. Mm-hmm. Et là, tout dépendant, les vents, le calcul, justement, le travail du régulateur de vol, son travail, lui, ça va être d'estimer exactement la longueur du vol que ça va prendre. Et il va établir plusieurs plans de match, aussi plusieurs plans B, ouais, si jamais il y a un pépin. Ça. Parce que souvent, quand ça part en retard, des fois, t'arrives à l'heure pareil. Fait qu'ils peuvent varier leur vitesse pour les transferts. Ouais, absolument. Des fois, ils vont accélérer, ils vont dépenser un peu plus de gaz, justement, pour éviter d'avoir à s'occuper d'une centaine de passagers qui vont être pris sans connexion. Remarque, il y a un vieux truc marketing aussi là-dedans. On a décidé, probablement, dans la compagnie, de dire, OK, à partir de maintenant, mettez 15 minutes, 20 minutes de plus pour être sûr de votre coût. Pas trop vous en... Les trains font ça. Ouais. Hein. Tu savais ça? Via Rail fait ça maintenant. Via Rail va te dire, OK, maintenant, Québec-Montréal, ça prend, je donne un chiffre au hasard, 3h15. Tout le monde sait que ça prend pas 3h15. Mais s'ils disent que tu arrives à l'intérieur de 3h15, ben regarde, non seulement ils sont arrivés à l'heure, mais en plus même peut-être qu'ils sont arrivés en avance. Donc, ça leur permet de dire on est toujours en avance sur nos horaires. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui vaut un client satisfait. Un là. Bon vieux marketing, oui. Exactement. Puis, un client satisfait est un client qui revient, je vous. Stéphane, tu parlais tout à l'heure un peu que t'entendais parler des éclairs et tout ça, et que ça te donnait un peu la frousse de voyager en avion. Ben, achète-toi des billets de loterie, parce que présentement, t'as beaucoup plus de chances de gagner le million que de mourir dans un accident d'avion. OK. Donc, c'est toujours le moyen de transport qui est le plus sécuritaire. Et pourquoi? En aviation, il y a très peu de choses qui sont laissées au hasard. Cet appareil-là, oui, elle allait faire un grand vol au-dessus de l'Atlantique sans couverture radar, mais elle a toujours un plan B à quelque part. On parlait tout à l'heure de... dans les différents rapports, là, on parle de l'aéroport de l'île de San Fernando Noronha, qui est une île qui est à l'extérieur du Brésil, dans l'Atlantique. Cette île-là, si vous regardez sur Google Maps, c'est presque strictement un aéroport. Donc, cette île-là est là, justement... prévu comme un peu un plan B. Si jamais il y a un problème, on peut y revenir. Ben, comme le commandant Piché, avec exact. Les Açores. Quand il a vidé son gaz, il savait à quelque part qu'il y avait toujours son plan B, les Açores. Pour, exact. Lorsqu'on va traverser l'Atlantique, il y a une règle qui dit sur un appareil bimoteur. Donc, comme l'Airbus 330, selon l'accréditation de la compagnie, selon s'ils ont un bon taux de maintenance, s'ils ont un bon taux justement d'accidents, très peu d'incidents et compagnie, ils vont avoir une certification qu'on appelle ETOPS, qui va vous permettre de traverser, admettons, une étendue comme l'Atlantique, à une certaine distance d'un aéroport sur un moteur. Alors, si on parle, admettons, de ETOPS 120 minutes, ça va me permettre d'être toujours à l'intérieur de 120 minutes d'un aéroport accessible pour mon appareil sur un moteur à 120 minutes de vol. Alors, je vais toujours avoir un backup sur un moteur à 120 minutes. Plus notre compagnie a un peu une moins bonne réputation, plus la certification ETOPS va être basse. Okay. La base, c'est ETOPS 60 minutes. Mais vous allez avoir un ETOPS 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Ça va aller facilement, si je me souviens bien, 240 minutes. En 240 minutes, on s'entend qu'un vol sur l'Atlantique, on peut le faire pratiquement directement. Mais lorsqu'une compagnie a des incidents, perd sa certification ETOPS 120, 180 minutes, tombe à ETOPS 60 minutes, elle doit toujours être près d'un aéroport à 60 minutes de vol. Donc, dans ce temps-là, on calcule le chemin en conséquence. Exact. Donc, c'est là que ta job entre en ligne de compte. Voilà, exactement. Donc, ça va être la job du régulateur de planifier ce chemin-là. Donc, il y a rarement, c'est vraiment, il n'y a rien de laissé au hasard en aviation. Bien sûr, toutes les grandes compagnies qui viennent ici puis qu'on prend sont toutes ETOPS 120, 240? Là, c'est... Ben, s'ils ne sont pas, ils vont emprunter ce qu'on appelle la fameuse Spruce Route, donc la route des épinettes qui va couvrir Goose Bay, Iqaluit, le Groenland. OK, en d'autres mots, si jamais j'apprends que mon vol qui m'amène en Europe fait la ronde de lait, là, la Spruce... Comment t'appelles ça? La Spruce Route. Spruce Route. Ça veut dire qu'ils ont peut-être des petits problèmes. Là. Il faudrait peut-être que je m'inquiète, non? Pas nécessairement. C'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'infrastructure non plus pour supporter une certification comme ça. OK. Mais tu vas pouvoir te dire que tu vas toujours être à 60 minutes d'un aéroport sur un moteur. Donc, c'est peut-être plus rassurant. Si jamais il y a un problème, tu sais que toujours en dedans d'une heure, tu es capable de te poser. Mais normalement, tu sais, les compagnies un peu à rabais comme JetBlue, mettons, là, c'est eux autres qui ont ces certifications. Là, même si c'est un peu moins cher, même si les billets se vendent un peu moins cher. Ah oui, absolument. Puis JetBlue vole pratiquement que du Airbus, du Airbus 320, qui est un appareil qui est extrêmement fiable aussi. Là. Mm-hmm. Donc, souvent, même dans le temps, on avait les... On parlait de Cubana, qui était une des... qui avait un disons, son ratio de d'heures de vol et d'accidents était pas très, très recommandable. Il volait beaucoup avec des Tupolev qu'on appelait affectueusement des Tulev pas. Maintenant, ils ont changé leur flotte. Ben, ils sont rendus sur du Airbus maintenant, donc on a une cote de fiabilité qui est beaucoup plus élevée, là. Est-ce que c'est la compagnie aérienne qui est cotée ou bien est-ce que c'est l'appareil qui est coté? Ça va être la compagnie aérienne qui va être cotée, beaucoup plus que l'appareil. Parce que tout dépendant de l'usage que la compagnie en fait, un appareil sera peut-être pas nécessairement aussi fiable. OK, ben on a vu plusieurs appareils bombardiers connaître des difficultés là dans la dernière année, et demie, quelque chose comme ça. Q400, là. Le fameux problème qu'on a vécu avec les Q400, si vous vous rappelez, était toujours relié à une certaine compagnie, SAS. Et ils ont été blâmés, eux, SAS, pour les problèmes qu'ils ont eus. Exactement, parce qu'ils ont eu des procédures qu'ils n'ont pas effectuées sur le Q400, et ces problèmes-là sont arrivés beaucoup plus par la faute de SAS que par la faute de Bombardier. OK. Q400, ceux qui ont eu la chance de voler cet appareil-là, c'est magnifique, là. Vous les voyez passer avec Porter ici, là. Moi, je m'arrête. Si vous voyez un char arrêté sur de la capitale quand il passe, moi, j'arrête. Moi. Charles, y a-t-il une compagnie dans laquelle t'embarquerais pas? Hey, c'est une bonne question, ça. Franchement, non. Non, je pense pas. Je pense que... Non, je suis à peu près... Je vais pas te mettre dans l'embarras, remarque bien. Là. Non, mais sérieusement, je suis pas... C'est une compagnie qui... Oups, un instant, là, on va y repenser. Là. Hey, c'est... Je me rappelle dans le temps, je sais pas si vous vous rappelez du film Rain Man. Oui. Dans le film Rain Man, à un moment donné, c'est Tom Cruise et... Dustin Hoffman, c'est ça. Et ils veulent prendre l'avion, puis Dustin Hoffman, qui est Rain Man, lui dit « on va prendre Qantas ». Il dit « Pourquoi tu veux prendre Qantas? » Parce que Qantas a jamais eu d'accident d'avion. Je sais pas si c'est arrivé. Il calculait tout, lui, Dustin. Exactement. C'était son buzz d'autiste. Si je me souviens bien, c'est encore le cas pour Qantas. Qantas, donc, n'aurait jamais eu... Alors, en d'autres mots, si on embarque dans un avion Qantas, soit qu'ils sont dus, ou bien on est sûr de notre coup parce qu'ils n'ont jamais eu. Le problème, c'est qu'on va pas souvent en Australie, c'est ça le problème. C'est ça, je te l'accorde. Mais non, franchement, aujourd'hui, le système réglementaire aussi est fait que les compagnies qui sont un peu plus à problème sont cernées rapidement et enlevées rapidement aussi de la circulation. Là. Okay. Donc, c'est encore une fois l'avion qui est toujours le mode de transport le plus sécuritaire. À savoir ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est mystérieux, mais moi, je vous parlerai beaucoup. En tout cas, il y a des fortes chances que ce soit une situation météo extrême. Mais encore là, pourquoi est-ce que le pilote s'est retrouvé dans cette situation-là? Ça, c'est un autre... Pour l'instant, on va attendre un petit peu avant de... Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on perd un avion comme ça? Est-ce qu'on interdit le décollage de d'autres avions qui devaient emprunter relativement la même route? Est-ce qu'ils sont cloués au sol ou non? On continue puis on fait juste changer une trajectoire ou... Directement en route, normalement, ça... Tout dépendant... Souvent, on va bloquer l'accès à un aéroport parce qu'il y a eu un accident justement à cause de conditions. Bon, on va parler de cisaillement de vent, donc des vents qui sont extrêmement changeants, qui vont amener des pertes d'altitude à basse altitude dans une phase de vol qui est critique. Souvent, c'est ce qu'on va faire lorsqu'il y a des orages. Souvent, on essaie de fermer l'espace aérien avant qu'il y ait des accidents, là, quand même. Mais ça va arriver souvent qu'on ferme l'aéroport à cause de ça. Fermer en tant que tel un espace de ciel à cause de ça. Dans ce cas-là, ça n'a rien changé. Les avions ont continué à... Les avions ont continué à circuler, à savoir s'il y en a qui ont déclaré justement des turbulences qui étaient plus sévères ou... Donc, présentement, là, il y a beaucoup d'informations qui est manquante. On reçoit un paquet d'informations, mais en même temps aussi, il y en a un paquet qu'on n'a pas et que c'est dur d'analyser. Charles-Éric Lamarche est professeur en régulation de vol au Centre de formation en transport de Charlebourg. Informez-vous beaucoup des régulateurs de vol? Ben là, on vient de tomber en vacances, mais on vient d'en sortir 22 présentement. Il se trouve des jobs, là... Présentement, je vais t'avouer qu'avec le contexte économique, c'est plus difficile. Il va falloir qu'ils travaillent. Années, là, les employeurs venaient chez nous, ils venaient les chercher directement. S'ils pouvaient les sortir du cours avant, il faisait. Okay. Mais cette année en particulier, c'est un peu plus ralenti, mais présentement, j'ai à peu près le quart de mes élèves qui sont presque placés. Ah, ouais, wow, c'est très bon. Et ils viennent de terminer il y a une semaine. Là, belle carrière, mais jusqu'à quel point c'est stressant, ce job-là? Ben, je vous ai amené des petites balles de stress, justement. Je ne t'appelle pas depuis tantôt. Puis, c'est un métier qui se rapporte un peu en termes de stress, là, beaucoup à celui de contrôleur aérien. Le contrôleur aérien, lui, a un stress de sécurité. Nous, on a un stress de sécurité lorsqu'il va y avoir des imbroglios, mais notre stress se rapporte beaucoup plus à la performance. Parce que le rôle du régulateur, lui, c'est de prendre l'appareil, d'aller choisir la meilleure route aérienne possible, faire les calculs de vent en altitude, la température, analyser la météo, justement parler au capitaine que regarde ici, là, présentement, là, il y a une belle ligne d'orage, il y a un beau front froid. qui donne pas mal d'action, faut être prudent dans ce coin-là. Ou bien on a dévié la route un peu, alors ça va vraiment notre travail de le faire et de rendre le vol le plus efficace, sécuritaire et confortable possible. Wow. Hey, ben c'est drôlement intéressant. Charles-Éric, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Puis en espérant qu'on se reparle pas uniquement quand il y aura un autre accident, OK? Non, c'est sûr et certain, on s'en parle pour autre chose. Merci beaucoup, Charles-Éric Lamarche, et professeur en régulation de vol au Centre de formation en transport de Charlebourg. Le retour de Radio X. Le retour de Radio X avec Stéphane Gasse et Jérôme Landry. Radio X. Ici Jean-Thomas Jobin. Je sais pas si vous saviez ça, mais un locataire sur deux qui appelle l'industriel Alliance Auto-Habitation obtient un meilleur prix pour son assurance. Dès que j'ai appris ça, je me suis empressé de venir vous le dire, car je suis leur messager des bons prix. Un peu comme un oiseau messager, sauf que j'ai moins de plumes, moins d'ailes, puis je fais moins le bruit, pit, pit, pit, pit. En tout cas, le meilleur prix une fois sur deux, c'est cool, hein, pit, pit, pit. Fait que si vous êtes locataire, appelez-les ou allez sur industrielallianceauto.com, s'il vous plaît. Venez découvrir la nouvelle zone super aubaine de Boulevard Toyota. Pas de soucis, pas de tracas, puisqu'il y a l'incontournable Boulevard Toyota. En plus de vous offrir nos irréprochables plus de 125 véhicules d'occasion soigneusement sélectionnés, découvrez notre zone super aubaine, une sélection spéciale de véhicules à moins de 10 000 $. Des irréprochables, des véhicules d'occasion de Boulevard Toyota. Sortie Pierre Bertrand de l'autoroute de la capitale. Voici un conseil simple de TELUS. Le secret pour maximiser votre temps? Internet à même votre téléphone mobile. Excuse-moi, le taxi arrivait pas. Ah, pas grave. As-tu lu les manchettes? Non. Mis à jour ton statut? Non. Regardé les résultats du match? Non. La météo à Moscou? Mais non. Donc, qu'est-ce que t'as fait? T'es tellement 2008. Avec Internet sur le pouce de TELUS, le temps vous appartient. Détails au telusmobilité.com. TELUS, le futur est simple. La météo, une présentation du Beefsteak. Les côtes levées à volonté sont de retour au Beefsteak pour seulement 16,95 pour un temps limité au Beefsteak, Angle Amel et Henri IV. Alors, au cours des prochaines heures à Québec, c'est des nuages et des averses qui vont commencer en soirée avec les rafales de vent du sud-ouest à 50 km/h, minimum de 8 demain. On parle de nuages et de percées de soleil avec maximum de 17. Mercredi, soleil, nuages 18. Soleil pour jeudi et vendredi, 18 et 20 degrés prévus. On a 17 à Québec présentement. Équipez-vous pour pas cher lors de la super vente du Nautique d'Adrenaline Sport. Achetez 3 vestes de flottaison et obtenez la 4e gratuitement. Achetez un vêtement de collection Sidou 2009 et sauvez 30% sur tous les autres achats de vêtements Sidou. Aussi, pédalo à partir de $469, du jamais vu. Un kit de sécurité obligatoire pour une embarcation.